Et vive la famille! Saint-Junien, Copenhague, Paris, Maxime rentre à la maison, épuisé par son marathon. Cette fois, il a instruit plus de 200 professionnels sur les aléas de la compatibilité électromagnétique. Les histoires de filtres et de résonance, il en a ras la casquette. Il est lessivé, épuisé. Dans ses courriers à Faustine, il écrit la France telle qu'il l'a retrouvée. La cinquième semaine de congés payés, la semaine de 39 heures, le libéralisme radio-TV et enfin la suppression de la sélection dans les universités. Désormais, n'importe qui peut entrer à l'Uni, même les médiocres. Autrement dit, le nivellement par le bas continue. Avec l'abolition de la peine de mort le 18 septembre, Badinter a enfin gagné. Seulement voilà, et Maxime de surenchérir, les rues de Paris sont de plus en plus sales. Insécurité et incivilité règnent, les grèves se multiplient, ainsi que les attentats. Autant de signes que le pays est mal dirigé, pas comme l'Amérique, prétend-il, où sur certains plans tout est possible. Il ajoute, entre un Reagan qui veut remettre son pays au pas et une Thatcher qui n'hésite pas à s'ensanglanter les mains, comme on l'a vu en mai dernier. Et Maxime de conclure, ces gens-là savent gouverner. Grâce à eux, le monde finira par marcher droit, et tant pis pour les acquis sociaux. Pour mémoire, pendant les grèves de la faim dans les prisons d'Irlande, la première ministre britannique a laissé mourir les grévistes, allant jusqu'à déclarer qu'eux au moins avaient choisi leur sort, contrairement à leurs victimes. Faustine ne cautionne pas du tout cette philosophie libérale conservatrice, mais faute d'arguments pertinents, elle ne peut que se taire. Souvent, elle regrette que personne n'ait jamais pris la peine de lui donner des cours de géopolitique. André, son beau-père, aurait pu, mais bien que véritable parasite, il n'est pas dans le même camp que sa belle-fille. Les contradictions ne lui font pas peur, et l'ultralibéralisme ne le gêne pas, bien au contraire. À peine rentré de son périple, Maxime s'attelle à sa première déclaration d'impôt américaine. Cette fois, il ne peut plus reculer. Dernier délai, le 15 octobre, le chèque devant accompagner les documents. Ceux-ci atteignent presque l'épaisseur du Washington Post. Une bonne trentaine de pages à remplir, sans rature. Photocopie pour brouillon de rigueur. Mais comment font les autres? Simplement, ils demandent à une fiduciaire de s'en charger. Or, ça coûte un saladier, et Maxime préfère s'échiner pendant des heures plutôt que de payer le plaisir de se faire tondre. L'escroquerie d'État, ça passe une fois, mais pas deux. Au bout du compte, avec beaucoup de rage et de sueur, l'affaire est faite. Il prévient Faustine que n'ayant pas l'argent disponible sur son compte actuellement, la boîte lui devant plusieurs mois de notes de frais, son chèque n'est pas approvisionné. Il a cependant bon espoir. Walter, le comptable, lui ayant promis que ce serait réglé avant la fin du mois. Faustine, évidemment, prend tout cela très à cœur. Pour elle, un retard si minime soit-il auprès du trésor public américain signifie rien de moins que la prison. Pour combien de temps? Elle ne sait. Par contre, elle a entendu parler des exactions commises dans les quartiers de haute surveillance contre les prisonniers possédant un joli popotin. Or, celui de Maxime provoque déjà la convoitise de tous les stewards d'Air France. Il n'en faut pas moins pour que l'imagination travaille et que l'angoisse exacerbée par ses nombreuses lectures l'envahisse. C'en est au point qu'un matin, n'y tenant plus, désinhibée par plusieurs verres de chardonnay, elle se saisit du téléphone et appelle maman tout là-bas en Suisse. $1000, tu peux nous prêter $1000 ? Juste pour 2 semaines, on te les rend dès que Maxime touche sa paye. Sinon, il ira en prison. C'est la catastrophe, maman. Aide-nous, s'il te plaît. Faustine, terrorisée par ses propres paroles, pleure dans le combiné. Mais la reine-mère ne se démonte pas pour si peu. Elle a bien perçu que sa fille avait un coup dans l'aile. D'une voix douce, elle la rassure. « Calme-toi, Fifi. Je vais en parler avec papa. On verra ce qu'on peut faire. Je te tiens au courant. » Quand Faustine raccroche après moult remerciements, éperdue de reconnaissance, la tension baisse d'un cran. Elle termine néanmoins la bouteille, ensuite de quoi, n'ayant plus rien d'autre à faire ni à se mettre dans le gosier, elle retourne se coucher, anéantie par toutes ses émotions. Sans doute que si elle ne s'ennuyait pas autant, Faustine n'aurait pas le loisir de se monter ainsi le bourrichon. Elle n'en serait pas arrivée à un tel stade de laisser-aller éthylique. En 1981, l'alcoolisme n'est pas encore défini comme une maladie. C'est seulement un vice dont un peu de volonté devrait venir à bout. Malheureusement pour elle, Maxime, lorsqu'il est à Gainesville, ne rentre jamais à midi. Il y a toujours un client à sortir ou une réunion organisée quelque part. Or, la Suissesse a besoin de dépenser son énergie, de s'occuper pour rester dans les clous. Il ne lui faut guère plus de 2 heures pour nettoyer leur petite maison et cuisiner le repas du soir. Et après, se distraire coûte. Sans moyen, sans occupation lucrative, elle ne peut que subir, refusant d'envahir sa copine June en permanence. Elle ne peut pas non plus lire à longueur de journée ou passer tout son temps dans les grandes surfaces avec 10 $ en poche. À 25 ans passés, après avoir connu la trépidante vie parisienne, cet immobilisme est insupportable. Si au moins elle avait des enfants, qu'est-ce qu'elle serait heureuse? Ah tiens, parlons de distraction. L'autre jour, elle reçoit la visite de 2 adorables personnes venues, Bible en main, lui parler de Dieu. 2 dames bien mises, petites souris grises à lunettes cerclées et cheveux tirés. Elle déploie un tableau de conférence et raconte, petits dessins à l'appui, de belles histoires bibliques. Vers 15 heures, Faustine commence à avoir soif. Sans façon, elle pose un gallon de whisky sur la table avec 3 verres et des glaçons. Les 2 prosélytes, surprises, mais néanmoins tolérantes, refusent le petit remontant. Faustine se sert en solo. Ensuite de quoi décomplexer, elle leur demande si, en tant que femme, elles n'en ont pas marre qu'on leur fasse croire, depuis la nuit des temps, qu'elles ont été extirpées de la fucking côte d'un fucking homme, fût-il le premier. Et que pensez-vous du sort des femmes dans la Bible? Cette pauvre Sarah qui accouche à 80 ans, et l'obligation d'obéissance, et le droit de vie et de mort exercé par les mâles, et l'interdiction d'avorter que Reagan menace de rétablir. Et bla, et bla, et bla. Faustine ne s'arrête plus. Elle n'écoute pas non plus les arguments opposés par les bonnes âmes à ses élucubrations, qui deviennent de plus en plus confuses à mesure que le niveau de la bouteille baisse. Exaspérées, ces dames finissent par prendre leurs jambes à leur cou sans se retourner, laissant l'impie rejoindre son lit avec délice. Cette dernière s'enfonce alors dans un sommeil peuplé de cauchemars. En ce début octobre, l'automne s'annonce frisquet. Aussi Maxime a-t-il fait une bonne provision de bois. Il lui a sorti la blague de l'Indien. Un brave type scie du bois. Un Indien, assis en tailleur, le regarde en fumant. Le type se dit, lui qui est d'ici, il doit savoir, il va pouvoir m'aider. Il l'interpelle. « Bonjour, mon brave, pensez-vous que l'hiver sera rude ?» L'Indien répond « Oui ». Le type continue à scier son bois, le tas grossit. Plusieurs fois, l'homme interroge « L'hiver sera très rude ?» L'Indien répond imperturbable « Oui, oui ». Et l'homme de continuer à scier. Pour finir, le tas est entièrement débité. Le gars demande à l'indigène « Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'hiver sera rude ? » Et l'autre de répondre. « Quand homme blanc sciait beaucoup de bois, hiver toujours très très rude. » Faustine se tord de rire et aide son homme à ranger le bois dans le garage. On l'utilisera avant de remplir la citerne à mazout. Ainsi, on se chauffera à bon compte. Évidemment, comme la cheminée n'est efficace que dans le salon, devenu chambre à coucher, câlin au coin du feu oblige, Faustine passe ses journées dans cette pièce stratégique sous peine de mourir de froid dans les autres. C'est donc sur son lit qu'elle se réfugie pour ouvrir la lettre qu'elle vient enfin de recevoir de Suisse. La réponse tant attendue à sa demande de prêt pour payer leurs impôts. Mais la missive sonne comme un coup de fouet. « Ma chère fille, ta demande d'argent m'a bien déçue. je concède ton maxime plus sérieux. Quoi qu'il en soit, quand moi, je roulerai en Cadillac et me tournerai les pouces toute la sainte journée, je verrai à la reconsidérer. Pour l'instant, tu connais notre situation et la dure bataille que nous devons mener pour nous en sortir. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de t'aider. Sois courageuse, ma fille, tu en verras d'autres. Je t'embrasse, maman. Ni une, ni deux, la lettre chiffonnée rejoint les flammes vengeresses dans la cheminée. Faustine verse alors quelques larmes de déception, puis saisit son stylo et feuille, elle écrit une épître sanglante à sa génitrice, dans laquelle, entre autres gentillesses, elle fait remarquer qu'elle saura désormais situer ses vrais amis. « Au plaisir de ne pas vous revoir », conclut-elle dramatiquement. Sans se laisser l'indispensable nuit de réflexion, elle fonce à la poste. Faustine ne parlera jamais à Maxime de cet échange de courrier. Elle l'aurait fait si la réponse maternelle avait été positive, mais comme ce n'est pas le cas, elle est contente de n'avoir pas gardé de preuves. Maxime, d'ailleurs, n'a absolument pas l'air de s'inquiéter de la situation. Manifestement, il a résolu le problème et son compte en banque est rechargé. Faustine a encore crié « au loup, trop vite !» L'homme se prépare déjà à retourner en Europe, sitôt passé le week-end annuel de réflexion offshore avec toute l'équipe des VIP du bureau et leurs épouses. Celui-ci, le premier auquel assiste le couple, aura lieu à Atlantic City, une plage très cotée du New Jersey, connue pour ses casinos et ses salles de billard. Les White ont loué tout l'étage d'un hôtel ainsi qu'une salle de réunion. En fait d'épouse, il n'y aura que Colleen, Anna, la femme d'un instructeur, et Faustine. Judy, femme de Royce, le fils responsable de la pub, et Donna, femme de Walter, le gendre, chef comptable, sont restées à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Magasiner, marcher au bord de la plage et boire des verres, ce n'est pas vraiment leur truc. Celui de Faustine, oui. Elle retrouve sa vieille complicité avec Colleen, dont la joie de vivre sans pareil est contagieuse, puis part pour de longues balades avec Anna quand son amie se repose. Anna doit bien peser dans les 150 kilos. Faustine évite de la fixer. Ce n'est pas facile, tant c'est impressionnant. Elle n'a pas l'habitude de voir ce type d'obésité morbide qui se répand rapidement aux États-Unis. Il n'est que de voir un vieux film d'après-guerre montrant les actualités et donc des Américains nés au début du siècle pour se rendre compte du changement. On constate que nombre de contemporains pauvres, majoritairement ceux qui cumulent les petits boulots, se nourrissent mal et n'ont pas le temps de faire du sport. Tout le monde sait que le sport ne fait pas maigrir, mais au moins pendant qu'on le pratique, on ne mange pas. Ce que remarque Faustine, en revanche, c'est l'incroyable gentillesse des gens lorsqu'ils répondent à Anna quand elle leur pose une question ou leur demande un service. Personne ne la regarde de travers. Tout le monde lui sourit. Faustine n'a jamais oublié l'humiliante remarque d'un chauffeur de bus grassois le jour où sa mère s'était plainte de la hauteur des marches du véhicule. « Fallait pour être si grosse !» avait-il éructé. Elle n'avait pas relevé, bien sûr, mais ça fait mal quand même. Du vendredi au dimanche soir, le week-end à Atlantic City n'est qu'une fête continue. Bien sûr, les attractions ouvertes l'été sont fermées en octobre. Bien sûr, il fait trop froid pour se baigner. Mais ils ont eu l'occasion de déguster du homard, en veux-tu, en voilà. Des petits déjeuners comme on les aime, avec des milliers de choses, dont des grits, sorte de semoule que Colleen adore parce qu'il lui rappelle son enfance. Et, plus important encore, de boire jusqu'à plus soif tout en papotant, jouant au billard ou écoutant le bruit de la mer. Les hommes de leur côté ont énormément travaillé. Va savoir ce qu'ils ont inventé comme nouveau produit à refiler aux clients. Plus tard dans la nuit, Maxime raconte à Faustine que Donald projette d'acheter des vaches, d'engager un fermier et de transformer le domaine en ferme. Le ranch Leblanc pour White. Tout ça en plus de l'imprimerie, des bureaux et des cours sur place. Il est vraiment impayable cet homme-là. En clair, ce fut un business meeting très fructueux qui leur aura permis de se changer les idées. Donald trouve qu'on travaille mieux hors contraintes et interruptions intempestives. Colin rajoute « Tu as raison, on devrait faire ça plus souvent, et chaque fois dans un lieu différent. Chicha !»